après être rentré de votre expédition avec cette trouvaille extraordinaire, vous avez été immédiatement amené tout simplement au foyer de l'aîné. Après quelques temps d'attente, des discussions à voix mi-haute, mi-basse, entre plusieurs chroniqueurs, dont Maxime fait partie, on revient vers vous. Vous annonçant que vous allez rencontrer l'aîné pour lui faire part de votre découverte. Vous êtes du coup amené à monter à l'étage. Plus ou moins fatigué, hein, déjà, de votre expédition, hein, qui a duré une bonne journée. Et il semblerait que cette nuit ne vous laissera pas énormément de repos. Vous arrivez. Tous les 5, il me semble. Puisque Jenna est là. Avec vous. Face, tout simplement, à une salle assez grande. Qui est en fait assez impressionnante. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas monté là-dessus. Enfin, là-haut, excusez-moi. Et la dernière fois que vous avez monté, ça commence à dater. Vos souvenirs, du coup, de cette salle n'étaient pas tout à fait exacts quant à sa taille, qui finalement semble être plus grande que ce que vous avez l'habitude de vous imaginer, peut-être par votre condition de vie. Maxime est là et vous fait rentrer, vous accompagnant. Vous arrivez face à l'aîné. Il est dans un état loin, très très loin, de l'homme qui vous a éduqué. Pour dire vrai, il est plutôt pâle, presque verdâtre dans sa blancheur. Il a les traits tirés, extrêmement tirés. Chacune de ses rides est une montagne infranchissable, et chacune de ses cernes sont des portes vers les abîmes. Il se redresse un peu, très lentement, douloureusement, pour simplement vous accueillir. Et s'adresse à vous, avec une voix qui semble être celle de quelqu'un qui n'est déjà plus de votre monde. On m'annonce que vous avez une nouvelle importante, mes enfants. Oui, nous ramenons l'espoir de l'humanité. On a trouvé un bébé. L'humanité. Ce que nous sommes. Très cher aîné. La mutanité. Je suis très honoré de faire. D'avoir l'honneur de vous voir. Ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu cette chance. Et je dois dire que ceci me ravit, même si c'est vrai que vous avez l'air d'être dans un état un peu... Pas bien. Déplorable. Déplorable, oui. Mais sachez que nous avons trouvé quelque chose qui pourrait peut-être changer beaucoup de choses au niveau de l'arche, comme même en dehors. Une chose que nous n'aurions jamais cru pouvoir, possible de trouver. Nous avons trouvé un bébé mutant. Ce que j'ai pu comprendre, je dois avouer que je suis désolé de pas pouvoir être là comme je l'étais à l'époque, mais cet environnement est plus fait pour vous que pour moi. Et je ne supporte mal le temps qui passe. Mais dites-moi, comment ce bébé est-il un des vôtres? On l'a trouvé dehors. c'est Median qui l'a trouvé pendant qu'on essayait de rechercher des traces de cette de ce peuple, enfin de soi-disant à plus avancé que nous, et nous sommes tombés dessus. A priori, de ce que j'en comprends, de ce que Jenna nous a expliqué, il semblerait que ces bébés soient élevés par ces gens. Je ne sais même pas de quel peuple vous parlez, mais... Bien, Jenna, je sais pas, explique-lui ce que tu sais. Ce qui, avant tout, me questionne, c'est l'existence même de ce bébé. Il me semble clair que vous... Il ne les élève pas si, comme vous le dites, vous pouvez tout simplement les trouver. Mais... Est-il vraiment, du coup, un mutant ? Bah, de ce que l'on pense, ouais, de ce que j'en sais, il en a tout l'air. De ce qu'on a vu, oui. Après, il a une bonne thèse. Bon. Je pense que le mieux pour lui sera d'être protégé. Sa venue risque d'être propice à énormément de réactions et j'ai bien peur qu'on lui fasse plus de mal qu'on le veuille. J'aimerais que qu'il soit, pendant qu'il grandit, mis en sécurité. Je sais que certaines personnes ont la tête plutôt brûlée parmi vous, et je n'aimerais pas que, par mon absence, un drame se produise avec ce bébé. Bah lève-toi, toi. C'est toi qui nous a tous, éduqués. Alors pourquoi tu peux pas le faire avec lui? C'est toi qui sais faire ça. Là, tu vois bien qu'il est par Natal, enfin. Eh hey, mais ta gueule. Parce que c'est bon, on en a vu des meilleurs. Hein, enfin, je veux dire, c'est toujours toi qui l'as fait. Est-ce que vous pouvez parler d'un meilleur ton en présence de notre très cher aîné? Est-ce que vous pouvez fermer votre mouille en présence de notre père à tous? C'est toi qui l'as parlé, je crois. Il y a Maxime qui intervient, et en une seule parole très élevée, juste un silence, hein, vous fait taire. Il a le ton très grave, vous regardant avec une sévérité. Pour le coup, je l'approuve. T'es l'ancien. Je lâche la tête. Mais fais des trucs. Et tu vois pas, on peut juste parler. Hein. X. Tu vois bien que l'aîné. Chut. X. Dis-nous-le comment on fait. Non, X. Chut. X. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Tu vois bien que l'aîné n'est pas en mesure aujourd'hui de faire quoi que ce soit. Bah alors, c'est le cul. Pourquoi il a un appartement comme ça? Pourquoi il occupe la moitié du stade là? On lui doit notre survie, et rien que pour soi, je pense qu'il a le droit de siéger ici. Je suis d'accord. Mais alors, occupe-toi du gosse. Mais il ne peut pas. Il y a des gens qui vont s'en occuper pour lui. Pourquoi tu le donnes? Pourquoi tu dis pas comment on fait aux autres? Ça il, va, il va le faire. Mais là, pour l'instant, nous sommes juste en Laisse train de... Laisse-le respirer. Nous sommes juste en train de parler de ce qu'on compte faire de et cet bah, enfant. On n'en est pas dans l'éducation pour l'instant. Je vous prie. De toute manière, vous imaginez bien que je ne comptais pas vous le laisser. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en vous, mais... Je connais les conditions dans lesquelles vous pouvez vivre en ces temps, et ce n'est pas les conditions pour un enfant de cet âge. Tout à fait. À qui allez-vous donner la tâche, l'honoreuse tâche d'élever cet enfant? Je... Chut. X. Ouais. Merci. Et quoi, c'est pas vrai? Boucher, tu l'as élevé comme tout le monde. Il a la même chose qu'à tout le monde. Tu vois, qu'à ces mots, Maxime seulement traverse la salle. Hein. Il te fonce dessus. Ah. Te chope par le col et te colle en fait au sol et te met 2-3 droites. Ce qui fait que tu vas perdre immédiatement. Enfin, tu vas te prendre 2 traumatismes hein, pour te. Ça va mal se terminer cette histoire. Putain, Maxime, il est balèze. Hein. Pour un chroniqueur, moi je dis. Balèze. Oui. Je vous montrerai sa fiche un jour. Mais vous comprendrez. Du coup, qui te met 2-3 droites. Hein, qui te. Du coup, t'inflige 2 traumas supplémentaires en vigueur. Ce qui fait que tu vas passer à 2 sur 4. Ouch. 2 sur 5. Oh la vache. Wow, wow, wow, Maxime, tenez-vous. Je sais qu'il a été irrespectueux, mais doucement. Tout simplement. Une fois que genre il va se relever, choper bah X par le col et le faire sortir de la salle. Ok, ok. Il appellera Efra Caster pour que ce dernier soit. J'essaie de calmer un petit peu Maxime avec mon empathie. Tu vois que Maxime, malgré cet excès de violence qui effectivement est très surprenant pour un chroniqueur. Quand il revient vers vous après avoir donné aux fracasseurs qui sont tout simplement au rez-de-chaussée de la maison de l'aîné de bah, tout simplement gérer X, je vois que vers vous il a aucun regard particulièrement. Ouais, il est retourné calme là, comme si c'était jamais rien passé quoi. D'accord. Et qu'il rentre à la salle, excusez-moi, mais je pense que du respect est nécessaire en ces lieux. Oui, je suis d'accord. Je ne pouvais pas laisser continuer comme ça. Je vous prie, continuez conversation. Faites comme si je n'étais pas. Donc, oui, je pense que, comme vous l'avez dit, très cher aîné, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir, nous, élever cet enfant. Et nous avons tellement d'autres, de nombreuses tâches à accomplir pour l'ensemble de l'Arche que nous ne pourrons pas... consacrer de temps à cet enfant et l'élever comme il se doit. Mais qui va choper le bébé du coup? Oui, c'était ma question de base. Vous voyez que des actions qui viennent de se passer, l'aîné vient de prendre un coup. Il est devenu encore plus cadavérique qu'il était déjà. Et son ton encore plus faible. Je prends une de mes rations d'eau, et enfin je l'humidifie un petit peu un bout d'issue et je lui donne pour qu'il le mette sur le front. Ou si je peux l'approcher, le mettre directement sur son front. Et bah il te remercie et se rallonge un peu plus malgré le fait qu'il s'était levé pour vous. Et... simplement ils vont... ils s'occuperont de manière générale... de lui trouver ressources, je pense à certaines personnes, comme Davana, qui jusqu'à présent était très bonne là-dedans. Davana ou Dava? Davana. Davana. C'est pas la même personne, ouais. Mais je m'occuperai personnellement de son éducation. C'est un excellent choix, très cher ami. Je ne sais pas encore comment gérer un enfant alors que vous avez tous grandi, mais je pense que vous aurez tout droit, bien entendu, de venir le voir. Après tout, vous êtes ceux qui l'ont amené ici. Et sachez que je n'en veux en rien à votre ami, c'est normal, après tout, ça fait longtemps que je ne peux plus être là pour vous et je vous prends des ressources qui vous sont chères. Je pense que Maxime a agi de manière beaucoup trop sévère, mais vous pouvez lui dire que je comprends ses plaintes. Maintenant, je pense qu'on va vous laisser vous reposer, aîné. Ça a dû grandement vous fatiguer de ne serait-ce que nous parler, nous recevoir, et nous vous remercions très chaleureusement. Vous voyez que au moment où vous sortez, il appelle hein, l'un d'entre vous. Mais du coup, il appelle Annette. D'accord. Mais oui. Demandant de parler seul à seul. Oui. Et qu'y a-t-il? J'ai entendu des propos. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est la première fois qu'il n'y a pas Maxime hein, depuis que vous avez vu l'aîné. Là, pour le coup, t'es vraiment seul avec l'aîné. Oh. De que je n'ai pas entendu jusqu'à aujourd'hui demander à X de venir me voir en début de soirée. Qui ne passe pas par Maxime. Vous voulez que je demande à X de venir vous voir et de ne pas passer par Maxime? J'ai entendu des noms qui, jusqu'à aujourd'hui, m'étaient inconnus et je veux savoir si on me cache quelque chose. Et son franc-parler, je pense, me répondra. Vous pouvez, si vous voulez, l'accompagner, mais rester en petit groupe. Sinon, ça verra quelques soupçons. Très bien, je vois, y a pas de soucis. Je ferai passer le message. Merci. Et tu vois qu'il te laisse. Hein. Il s'allonge, épuisé déjà de cette conversation. Je lui laisse la petite serviette. C'est gentil de ta part. Là. Vous vous retrouvez en bas, du coup, tous. X qui a été attrapé par les fracasseurs, qui pour le coup utilisent clairement leurs muscles pour tout simplement l'immobiliser. Wow, lâchez-le à 3 sur lui. Et effectivement, quand vous descendez... Wow, du calme. On se calme, on pose X et on discute. Ouais, bon. Il regarde Maxime approuve du la tête. Bon bah... Non, c'est pas comme ça que l'arche doit fonctionner. La violence n'est pas la solution. Il repose X au sol. Les trois, hein, il le lâche. Merci. Non mais oh. Hein? D'abord. Non mais, essaye pas de les insulter aussi, toi, espèce d'abruti. Mais Diane. Oui. Est-ce que tu peux t'occuper de X pour essayer de le remettre un peu sur pied parce qu'il s'est mangé là. Oui. Oui, bien sûr, j'ai des nouveaux remèdes à tester. Cassez-vous, bordel. Non, je donne une petite frappe sur la tête à X pour mettre les idées en place. X, s'il te plaît, on est tous dans le même bateau. Commence pas à vouloir à penser que tout le monde est contre toi. Arrête de faire ton adolescent prépubère. Si tu m'approches, je t'en colle. Oh putain. Laisse-toi au moins soigner par Médiane. Après, on te laisse tranquille. Ça coûte rien, ça, un soin. Moi, je vais retourner au quartier des... par mon propre. Très bien. Tu te lèves. Énervé de ce qui vient de se passer, ce qui est totalement compréhensible. Hein. Sûrement la rage au ventre et tu laisses tes amis en leur tournant le dos, tout simplement. Et tu vas du coup te diriger, du coup, comme tu l'as dit, au quartier Fangio. Une fois là-bas, du coup, dis-moi ce que tu vas y faire. Ouais, ton micro bug un peu. Bon, il demande de l'aide, mais. Voilà, en gros, je vais demander de l'aide. Tu tombes rapidement sur quelques frères et sœurs qui te viennent en aide, et dont un qui part chercher Ariel hein, pour tout simplement voir ce qui s'est passé, parce que c'est un contact très proche. Du coup, il t'emmène dans. J'ai perdu le nom du. C'est l'endroit où. Le dortoir, là où dormez tous. Oui, il t'emmène dans le dortoir, là où vous dormez tous. Et. Ouais. Il est. Et il y a Finger derrière, tu vois, il y a Finger. Flint, merde, c'est ça. Ouais, c'est Klinger et Flint. On est à côté, on n'est pas loin. Il y aura un petit montage. Flint est content. On mettra une animation d'un chien, et voilà, on mettra Flint par-dessus Flint. Du coup, je refais ma phrase. Ouais, du coup, il t'emmène rapidement au dortoir. Et là-bas, il y a le Ariel qui t'attend et ils te prennent tous en charge assez rapidement. Même s'ils n'ont pas les connaissances, tu vois, parce que c'est des esclaves. Mais ils essayent, tu vois. Genre, ils te mettent, ils prennent tout simplement du tissu, leur drap, du dortoir, tout simplement, et ils suivent le sang avec. Après, honnêtement, même si t'as été amoché, t'es pas non plus dans un état très grave, t'es pas en hémorragie, etc. Donc leur aide est simplement suffisante pour le moment. Et t'as Ariel qui arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Il a essayé de faire son malin. Mais tu n'es pas là, toi. Ah. Je pensais qu'on les avait tous suivis. Non. Non, pour le coup, là, vu qu'on m'avait parti, ça m'étonnerait que vous avez pu le suivre. Non. Du coup... Ouais, vas-y. Rapproche-toi. On est rentré. Avec... Enfin bref, on est allé voir l'ancien. Il dit les quatre vérités. Trouillard qui se planque là-haut. Et on m'a tabassé par derrière comme pas. Maxime comme pas. Le lâche qu'il est. Est-ce que vous êtes au courant? Tu doutes bien que la rumeur a vite tourné, ouais. Vous avez ramené un être vivant. Mieux. Un enfant. Un bébé. Comme nous. Un mutant. À tous les coups. Il va encore rester les bons papiers du chroniqueur, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux que je te dise dans cette milice de fracassiens en faction devant leur porte? Je sais pas qui c'est qui les a engagés, mais. Dégueulasse. On va voir. On nous cache des choses, j'en suis sûr. Il se passe des choses là-bas. C'est vraiment... Ouais. Comme d'hab, hein. Le crouton, c'est incroyable. Il est à Ken capable de bouger son petit doigt. Il est totalement... Il est la même couleur que l'eau, c'est incroyable. On croirait qu'il a passé 14 ans sans jamais sortir. C'est... Tu vois qui sort une petite ration de viande. Fait. Tiens, prends ça. Moi, j'ai eu ce qu'il faut. Ça te fera du bien. Non, prends-le. Ah, t'inquiète pas. Tu sais qu'en ce moment, Mimix traîne dans les pattes de Maxime. Mais du coup, il a oublié de faire surveiller sa cabane. On a pu choper les rations. Du coup, prends-la, on a ce qu'il faut. Oh, il en collectionnait pas beaucoup, on en a eu que 5. Mais malgré tout, on les divise pour faire en sorte que, si jamais il s'en rend compte, ça soit comme d'habitude, une punition collective plutôt que individuelle. Eh bien, je dédie cette bouffe à Milix. À Milix, et tu vois qu'il se sort aussi une petite ration de bouffe. De votre côté... Du coup, aux côtés des trois autres, qu'avez-vous fait une fois la solitude laissée par notre ami? Je sais pas vous, mais je trouve que X commence vraiment à changer. Oui. Je nous éloigne un petit peu. Pour éviter que notre personne ait... Vous êtes sorti de toute façon de la maison de l'aîné, donc vous êtes... Ouais, enfin, j'ai facilement. Ouais. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui nous écoute, et je leur fais part du fait que l'aîné aimerait justement s'entretenir avec X. Je pense que sa condition d'esclave commence à peser lourd pour lui et ses camarades, et que Plus le temps passe et plus il ne fait que parler de, oui, de oui, ça je pense et... Que, et je pense que c'est pour ça que justement l'aîné voudrait lui parler. Je pense qu'il a besoin d'être écouté, et le fait qu'il était peut-être pas seul, ça a peut-être un peu bridé. Ouais, et ça, c'est quand même préoccupant, parce que, comme on le sait tous, les esclaves sont les plus nombreux dans l'Arche. Et s'ils venaient à décider de changer le cours des choses... ils pourraient le faire. Ça pourrait vite devenir être compliqué chez nous. Donc je pense qu'il va falloir surveiller un peu X malgré tout, même si ça me coûte de dire ça, même si je suis loin de tous ces manigances politiques, que ce soit chez les Caïds ou même l'aîné, parce que quelque chose de trouble se passe là-haut, on n'en sait pas, mais X, c'est plus préoccupant. Je suis d'accord avec toi. Je pense que dans les médias, il faudrait peut-être le laisser se calmer un petit peu, reposer ses esprits, et peut-être plus tard dans l'après-midi, même dans la soirée, lui en parler peut-être au dernier moment. Est-ce que l'aîné a mentionné si quelqu'un pouvait l'accompagner ou pas ? Oui, mais on doit pas être trop nombreux. Écoute, un ou deux, voire trois maximum. Je te propose de l'accompagner, vu que t'es la plus raisonnée de nous tous. Ouais, je vais essayer. Après, tu nous faire un petit compte rendu. J'espère peut-être aussi que t'acceptes, étant donné que t'as des gros bras aussi. S'il y a Maxime qui traîne dans les pattes, ou peut-être de faire le guetteur. Après, je pense pas que X en est arrivé à s'en prendre physiquement à l'aîné. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, mais. L'aîné a bien précisé que si on pouvait éviter que Maxime soit au courant. Oui, après, je veux bien accompagner, mais je ne rentrerai pas dans la salle avec vous. Il n'y a pas de souci. Je pourrais prétexter un rendez-vous peut-être avec Davana ou quoi que ce soit, mais je ne viendrai pas. Cette Davana. D'ailleurs, je pense que j'irai voir Davana en même temps pour prendre des nouvelles du petit. Du petit. Oui. L'aîné va à confier le petit à Davana, donc. D'ailleurs, ça me taraude un petit peu, mais t'as vraiment confiance en elle ? Davana, oui. J'ai confiance en elle. Pourtant, elle parle souvent de mensonges. Non, si mensonge il doit y avoir, je pense que ça vient de plus haut. Tu penses ? Ouais. Enfin, après, comme on dit, on sait jamais tout. Mais si quelqu'un... est de confiance pour ma part, c'est bien Davana. Ouais. Je sais pas, il est vrai que c'est vrai que je connais ça, mais... Ouais. Ça me perturbe un peu que l'aîné choisi pour... Enfin, elle, en général... Pour s'occuper du... Dis-toi que au moins, le fait que ce soit elle, je pourrais voir l'enfant de temps en temps, avoir un œil sur lui, et que si ça avait été quelqu'un d'autre, je n'aurais même pas pu l'approcher. Oui, tu as sur votre raison, oui. Tu marques un point. Sinon, Médiane, est-ce que tu penses reprendre tes fonctions rapidement, ou tu as encore besoin de repos ? Oh, moi ça va, je suis en pleine forme. Hein. Mis à part quelques mois d'absence, mais bon, ça risque pas de mettre grand monde en danger. Ok, alors si je te demande d'ouvrir tes oreilles, si jamais tu entends des choses qui pourraient nous être utiles, ça pourrait être une bonne chose aussi. Oui, bah, je ferai ça à l'occasion. Eh bien, c'est parfait, ma foi. Dans ce cas-là, moi je pense que je vais aller me reposer un petit peu, parce que avec tout ça... un peu fatigué, peut-être me restaurer un petit peu, et puis on se retrouve un peu plus tard. Très bien. Et je m'en vais. Tu t'en vas avec Flint. Avec Flint. Je suppose que les deux autres vont embaucher le pas, parce qu'ils ont une envie de faire quoi que ce soit. Dans ce cas, ils ont juste à me le signaler. Ouais. Pour ma part, j'ai plus aller aller voir ce qui se passe. Du côté du quartier des Fanges, et essayer de détendre l'atmosphère. avec une capacité que j'ai depuis un moment, qui s'appelle Troubadour, pour essayer de gagner aussi un petit peu des balles, et puis aussi de raviver un petit peu les... le cœur dans l'esprit des foules. Avec mon art. Alors, du coup, tu vas faire une représentation pour l'arche, dont ton but en fait c'est de littéralement faire le troubadour pour calmer les arches. Je veux savoir, est-ce que tu racontes une histoire, est-ce que tu vas plutôt chanter une chanson, réciter de la poésie, dans quel domaine pour l'instant tu trouves? Bon, pour l'instant tu peux pas faire de la musique, vous avez pas d'instrument de pour musique. Pour l'instant je pense que je suis plus dans raconter une histoire. Avec des petites morales à la fin pour essayer de faire... Morale, ne tuez pas vos amis. C'est ça. Morale, ne tuez pas le petit bébé qu'on vient de ramener. Ni le vieux, ni le vieux crouton qui va bientôt crever. Et j'ai fait une rime. Ok. Du coup, ça a été un jet d'inspiré. Donc, qui est lié... Ah oui, j'ai oublié de le mettre. Ah mince, attends, je vais sortir mon livre, parce qu'en fait... ah oui. Tu sais qu'il y a les... Oui, et justement, en fait, c'est lié au truc principal du rôle, et donc j'ai oublié. Bah, chroniqueur, je pense que ça doit être empathie. Hein. C'est empathie, parce que c'est où j'ai le plus de points. Ça doit être ça, attends, je te dis ça. Ouais, c'est ça, c'est empathie. Donc c'est empathie plus inspiré. Donc, et... 5, 6, 7, 8. Ouais, tu fais juillet. Excellent, j'aime bien. Du coup, chaque réussite... du coup, chaque réussite et chaque prouesse va avoir des effets un peu sympas de type, je relis ça, bibibibiboum, c'est où? Oula. Ouais, là. Du coup, chaque réussite donne... Oh, intéressant. Non. Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas calmer le jeu. Par contre, du coup, les gens, s'ils apprécient ce que tu fais, ils pourront te donner peut-être des balles et des rations de bouffe. C'est littéralement ma façon de faire la manche. C'est ça. Donc, mes 5 jets normatifs. Vas-y. Putain. 1-6. Parfait. Ça te fait une petite réussite. Qui te permet, du coup, de faire une représentation pour le peuple. Tu vas raconter une histoire. Et tu vas inspirer le peuple. Juste pour savoir, même si je sais que du coup, je te prends un peu à court, mais quel un peu résumé, hein, je vais pas demander de faire l'histoire complète, mais un peu résumé, le but de l'histoire que tu racontes, le petit archétype, en quelques mots, le synopsis, tu vois, un petit truc. J'essaye de faire une petite histoire sur la cohésion dans un groupe. Le fait vraiment d'être... on avance toujours mieux quand on est à plusieurs. Et que si on est seul, il y a de grandes chances qu'il y a un dragon qui arrive et qui défonce tout. Ouais, voilà, je mets un petit peu d'éléments de fantasy dans mes histoires. Totalement factuels. L'esprit de corps. C'est ça. Donc ouais, j'essaie de faire en sorte de... que mes histoires apprennent le partage, l'équité et l'amour. Pourquoi d'amour? Et du coup, c'est une réussite. Et d'ailleurs, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Juste un D? Ouais, juste un D. Okay. T'as le choix entre soit prendre une balle, soit une ration d'eau, soit une ration de bouffe. Sachant que tu peux aussi, vu que tu fais ça spécialement dans le quartier des Fangeux, refuser par bonne moralité et dire aux gens « Je ne suis pas là pour ça ». Ça, c'est toi qui vois. Alors, je regarde juste ma fiche. En vrai, je serais tenté pour accepter une ration d'eau. Parce que je n'en ai plus que deux. Après, il me semble qu'il y a un système. Un par journée, c'est ça? Il y a un système de rationnement, non? Un par journée? Alors, pas tout à fait. il fut un temps où l'arche rationnait. Maintenant, c'est devenu plus interne. Donc, c'est soit tu vas voir les combinards, soit Combinix, par exemple, qui combine avec le parrain pour vendre. Ou soit tu le trouves par toi-même, ou tu es peut-être moins moral. Mais voilà, il n'y a pas de système officialisé de rétribution. Pour l'instant, enfin, ok. Il est mort. Ouais, bah j'ai pris une ration d'eau. Tu acceptes une ration d'eau que l'un des esclaves qui t'a entendu en fait te tend. Merci beaucoup. Et je le remercie mille fois. De toute façon, il te le donne de plein cœur. Hein. Pour le coup, quand tu fais ton troubadour, hein, tu ne forces pas les gens à payer avant. Hein. Mais du coup, voilà, il a apprécié fortement son histoire, te disant que ouais, ça le rappelait l'époque où l'aîné racontait des histoires au coin d'un feu quand vous étiez enfant. Hein. Et que franchement, c'est un bon rappel du vieux temps qui mérite cette ration d'eau. Donc voilà. Un petit air de nostalgie. Et du coup, pour finir sur la dernière personne, est-ce que notre ami. Excusez-moi. Médiane, que je me trompe pas. Est-ce que toi, tu fais quelque chose où tu vas te coucher comme notre ami Klinger? Je vais me coucher. Très bien, tu vas te coucher. Tu vas dans ta planque et tu vas dormir. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que comme tu es venu un peu plus tôt, tu es là de manière un peu plus récente, hein, est-ce que tu peux faire un petit descriptif de ta planque? Beaucoup de vide et beaucoup de gris-gris. C'est parfaitement résumé. Il n'y a aucun meuble, mis à part un espèce de vieux matelas ou quoi. Je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça un matelas. Un truc sur lequel je me couche et le reste, c'est juste des gris-gris accrochés au mur et au plafond. Pour attraper les cauchemars et les mauvais esprits. Très bien. Mais écoute, tu vas te coucher seul après tout ça. Du côté, du coup, de X, hein, pour faire un peu le tour. Vu que de toute façon la nuit a déjà bien été entamée pour vous, hein, vous savez qu'il va vous rester très peu d'heures de sommeil avant la levée. Tu peux quand même du coup te reposer. 2 heures, c'est toujours plus, c'est toujours ça de prix comparé à une nuit blanche. Hein. ça fait. Même si ça, en vrai, ça ne suffit pas pour un repos, mais au moins c'est ça de prix. Donc tu peux aller te reposer après avoir magnifiquement mangé ta ration. Avec tes amis d'ailleurs. J'en rajoute là parce que si toi elle est offerte pour les autres aussi hein, qui sont partis après ça se coucher, qui vont devoir, parce que vous n'avez pas encore mangé de ration lors de votre expédition, du coup ça fera une journée complète sans manger, donc soit avant de vous coucher vous mangez une ration, ce que je considère que si vous ne dites rien c'est ce que vous faites, soit vous restez une journée sans manger pour économiser, et si c'est le cas vous me le dites maintenant, vous avez 5 secondes pour vous exprimer. Qui fait ça? Enfin, qui ne mange pas, du coup. Je mange. Je miam miam. Ok. Alors, je précise, pour les gens qui nous écoutent, même si c'est assez rare qu'on vous fasse des apartés, mais coucou, en fait, Gossen n'est pas là, donc il mange, mais il peut pas répondre, physiquement. Voilà. Ok, donc moi, une bouffe pour tous les joueurs, sauf X, hein, qui a eu sa bouffe offerte. Puisqu'ils l'ont volé. Et du coup, on va faire une... Et oui, parmi X, ça c'est beau. Forleur ! Le lendemain matin, vous vous réveillez chacun, et plus ou moins à votre habitude, parce que il y a eu des petites tensions hier, normalement vous avez l'habitude de vous retrouver, aujourd'hui ça peut être un peu différent. Mais, que vous voulez ou non, de toute façon vous finirez par être réunis, puisqu'il se passe quelque chose, encore une fois, comme à l'habitude du matin, à la place, tout simplement, de l'arche. Sur l'estrade, un visage que vous commencez à voir très fréquemment, récemment, peut-être même un peu trop, Maxime. Il est, du coup, sur l'estrade, et annonce tout simplement les... Chers habitants de l'Arche, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Après moult conversations avec l'aîné cette nuit, nombreuses conversations hein, pour les moins littéraires d'entre vous, l'aîné a décidé de réouvrir l'arche. Les sorties seront de nouveau autorisées, l'expédition possible. Ça a été rapide. Et ça m'a pris énormément de temps, hein, plus de 2 jours de négociation pour essayer de lui faire comprendre vos doléances que vous m'avez fait remonter. Mais il a fini par entendre et l'arche va être ouverte d'ici à peine quelques temps. Sachez que j'ai compris l'importance de recréer le contact qui a été perdu avec l'aîné pour vous. Et donc, je me propose comme volontaire, étant donné que l'exercice a été, je pense, réussi lors de ce premier essai. Je vais donc quitter mon poste de chroniqueur et ouvrir tout simplement de manière continue. À n'importe quel moment de la journée, vous pourrez venir me retrouver du coup à un poste dans lequel vous pourrez remonter tout ce que vous avez à remonter à l'aîné. En gros, comprenez, tu proposes d'être secrétaire. Oui, oui. C'est là mon rôle si le peuple en a besoin. Il faut comprendre que l'aîné est très malade hein, et que les contacts sont très compliqués avec lui. Et il y a une certaine façon de lui adresser la parole, de lui amener certains sujets et par conséquent, je m'en engage de le faire pour vous et de vous transmettre chaque jour, du coup, le résultat de ces conversations. Je serai installé accompagné de mes bras droits. Et pourquoi tu serais le seul à être le lien entre nous et l'aîné ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'en charge et que, comme je viens de l'expliquer, il est malade et qu'on ne peut pas se permettre qu'une cinquantaine de personnes rentrent dans sa chambre. Pas forcément une cinquantaine de personnes, mais 3-4 personnes devraient suffire. Pour. Et d'autant plus, je ne suis pas seul, hein, puisque je me suis... Je me fais accompagner dans cette aventure de quelques personnes dont j'ai essayé de prendre de tout horizon afin de ne pas privilégier un rôle plus qu'un autre dans l'arche. J'ai Milix à mes côtés. Qui ? Un combinard. J'ai aussi Valériane, qui est un fracasseur dont je sais qu'il y a de très bonnes relations avec vous. Ouais, c'est bon. Et j'ai aussi Dava, une autre chroniqueuse dont j'ai pleinement confiance et je le sais, vous aussi. Les recrutements sont pas terminés, je compte bientôt recruter un esclave afin qu'il puisse transmettre leurs conditions à l'aîné de manière totalement honnête. X. Mais je gérerai ça après. Je vous donne l'endroit où nous retrouver à partir de maintenant. Et vous voyez qu'il indique tout simplement la position, comment s'y rendre, dans le quartier des Anges. Et rapidement, l'endroit, le lieu qu'il indique, vous le connaissez très bien, puisqu'il s'agit de l'ancienne planque d'Astrid. Oh. Lorsqu'il termine ces phrases-là, peut-être contre ce que vous aurez attendu, le peuple lui applaudit. Il est content de savoir que ce contact va se créer, qu'il y a un porte-parole et qu'ils vont pouvoir remonter directement ce qui, eux, leur fait peine. Donc il applaudit. Maxime quitte tout simplement l'estrade accompagné des personnes qu'il a citées récemment et se dirige tout simplement, quittant la foule un peu précipitamment. Pour rejoindre maintenant l'endroit où va se tenir ces fameuses doléances, avec des guillemets, avec des doigts. Je vous écoute. N'y aurait-il pas quelqu'un qui a oublié de me dire quelque chose ? Effectivement, ça peut venir après. De toute façon, il n'y a pas eu de contact depuis la nuit. Tu peux attendre ! Voilà. Les choses vont arriver. Je suis pas censé être là, mais j'ai cru entendre cette nuit. C'est peut-être moi qui ai inventé. Mais cette nuit, non, déjà c'était le soir, et c'était vu que vous étiez déjà dans la nuit. Qu'une fois qu'il est parti précipitamment. Bah, le peuple, en fait, se redivise, hein, comme souvent, hein, dès qu'une annonce est passée. Vous notez qu'il n'y a toujours pas eu de projet de l'Arche, mais peut-être que les préparations pour l'hiver sont plus importantes. Et le peuple se divise, et du coup, vous quatre, vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y a des tensions, donc je vous laisse gérer ça, vous regrouper, comme normalement est votre habitude, dans les temps de temps calme. Du coup, dites-moi. Je propose à tout le monde, donc à X, si ça va mieux et qu'il est, apte à pouvoir discuter avec nous, qu'on se retrouve dans notre lieu habituel, c'est-à-dire sur le toit de l'Arche, pour pouvoir discuter un peu de ce qui est en train de se dérouler, parce que mine de rien, pas mal de choses changent très rapidement. Et même si les gens n'ont pas conscience, ça commence à pas sentir très bon, personnellement. Donc je propose un peu à tout le monde de venir en discuter plus loin des oreilles indiscrètes, dans notre petit endroit sur le toit. Alors, si personne n'est contre... C'est une bonne idée. Aucun problème. Et bah du coup, personne n'est contre, ce qui est une très bonne chose. Vous vous rendez tous les quatre à votre petit coin habituel. Montez. Quelle règle on va enfreindre aujourd'hui ? Bastien ? Quelle règle on va enfreindre aujourd'hui ? Alors, qui on va tuer ? Du coup, je me place devant tout le monde. Et mes très chers amis... X est là ou pas ? Bah je crois qu'il a dit... Oui, X est là. Il a dit oui. Okay. D'accord. Oh là là. Mes très chers amis, je tenais à vous voir ici pour qu'on soit tranquille, pour discuter de ce qui est en train de se passer dans l'Arche. Personnellement, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui se passe... en ce moment. Et l'annonce de Maxime est peut-être l'annonce de trop pour moi. Tu dis ça, mais j'avoue que le fait qu'il a demandé à des personnes extérieures, une personne d'ailleurs dont tu as confiance, me rassure un petit peu, moi, de mon côté. Non, alors si tu confonds Dava et Davana, ça va pas aller. Mais c'est une blague. Il a convié Dava et pas Davana. Davana n'est pas convié dans les personnes. Putain, j'ai posé une question négative. Non, c'est ma faute. Non, mais c'est pas grave. Je sais que tu es un peu tourmenté toi aussi ces derniers temps. Oui, l'apparition de cet enfant qui a un peu nous a un petit peu qui nous a un petit peu troublé. Je comprends. Sachez que nous n'avons pas encore terminé aussi avec le boucher. Il est toujours présent, on ne sait pas qui c'est. Nous avons parlé un peu de toi hier soir parce que on trouve que ces derniers temps tu es très très énervé, tu t'emportes très vite. Alors nous mettons ça un peu sur le compte des diverses tensions qui existent dans l'Arche et on peut très bien imaginer que tes camarades esclaves et toi et vous avez un peu peut-être un peu ras-le-bol d'être pris pour du vulgaire porteur de cailloux. On comprend tout à fait, mais Oui, je pense que d'énormes choses sont en train de changer et peut-être pas dans le bon sens en ce moment sur l'Arche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, c'est ce que je pense. Non. Annette, je sais pas. D'un côté, je suis d'accord avec toi. Mais d'autre côté, j'attends de voir en fait, parce que j'ai pas envie de comment dire, de me fixer une position et qui peut s'avérer fausse en fait. Mais c'est vrai que j'ai mes. Dans ce cas-là, va falloir te taire à jeu. Non mais. Je pense un petit peu comme toi aussi, mais j'ai mes réserves. Je comprends. Et toi, X ? X ? C'est juste qu'on arrive au bout de la fête, quoi. L'ancien plus là, évidemment. Plus sinon. Hein ? Évidemment. Le dégât Colata. C'est ce que je voulais dire. Il y a du vent, X. Désolé, il y a du vent. On t'entend pas depuis sur le haut du sur le rapproche-toi. Toit de l'arche, on a du mal à t'entendre. Rapproche-toi, il y a beaucoup de brise. On arrive tous à côté de X. Comment dire ? On arrive tout simplement au bout de ce qui a été fait. Maintenant, l'ancien n'est plus là, évidemment, c'est un problème, et tout le monde se crée plus chignon pour prendre sa place. Et j'ai envie de dire qu'on devait s'attendre. Hein. Tout le monde a fait la sourde oreille, comme si ça allait perdurer, comme ça, jusqu'à ce qu'on meure tous. Mais bon. Ouais, je comprends. T'es prévu ? Je comprends. En fait, le seul truc qui me dérange, c'est que. Quand l'aîné va mourir, parce que ça va arriver, j'ai peur que ce soit justement ces 5 personnes-là qu'on a vues qui prennent le pouvoir, entre guillemets. 5 ? Non, ils étaient 4 ou 5. Vous m'en restez ? Ouais, non, clairement... j'ai pas entendu. Clairement. Oui, X. Est-ce qu'ils ont nommé un esclave, vous dites 5 ? Ils l'ont trouvé ? Non, ils n'ont pas encore nommé d'esclaves, c'est pour ça 4. Autant pour moi. Mais pour moi, clairement, Maxime est en train de s'installer tout seul. Oui, clairement, ça me plaît pas. Et les personnes qui seront à côté de lui ne seront que des sous-fifres, des subalternes. Des sous-fifres, tu penses ? Des subalternes, des gens en dessous, quoi. Il sera à la tête de l'Arche. Et nous devrons. C'est vrai que de ce point de vue-là, il faudrait faire attention à ce que les niveaux soient au même niveau, quoi. Qu'ils soient au même poste. Ouais. Et toi, X ? Je vois pas pourquoi vous faites autant de soucis, c'est juste un locate et tout. Astrid est plus là, alors il y a besoin de quelqu'un pour prendre sa place. Et j'ai envie de dire, si vous êtes en train de dire oh là là, il prend le contrôle de l'arche, pensez vraiment que le parrain, avec ses visions et le collectionneur. Comment dire, qui fait supprimer tous ces je sais pas quoi là, qui disparaissent. C'est bon, je sais plus quoi. Alors, mon cher Rick, je sais pas quelles ont été tes sources, mais. Enfin, c'est pas du tout c'est pas du tout dans l'état d'esprit du collectionneur, ça. Oui, je la connais. Sinon, toi, Médiane, tu en penses quoi ? Tu es la seule qui ne dit rien pour l'instant. Je pense. Je pense pas grand chose pour être honnête de cette histoire. Ouais. Je vous avoue que je vois les choses qui changent, mais je vois pas vers où se dirigent les énergies, alors je suis confuse. En même temps, ça fait que quelques jours que t'es réveillé, donc c'est compréhensible. Oui, le temps de digérer tout ce remue-ménage, j'imagine que pour toi ça doit être très confus, mais. Oui, puis à mon avis, la situation de l'arche a dû bien évoluer entre le moment où tu t'es. Où tu es tombé dans le coma et aujourd'hui. Bah oui, je suis tombé dans le coma et quand je me suis réveillé, ça parlait de vision prophétique du futur. C'est moi normalement qui dis ça. Sinon, je tenais à vous faire part de quelque chose auquel j'ai un peu réfléchi depuis quelques temps. Et disons que ça m'est un petit peu apparu comme ça, comme une idée venue de nulle part. Mais combien de personnes savent lire et surtout écrire dans l'Arche? Bah, à part des chroniqueurs, pas grand monde. Pourquoi on parle d'écriture? Là, d'un coup, j'ai pas suivi. Non, mais je vais en venir, je vais en venir. Je vais évaluer le niveau intellectuel des habitants de l'Arche. Si je vous demande ça, mes amis, c'est simplement que si vous vous souvenez, le boucher a écrit quelque chose. Donc, s'il a écrit quelque chose, c'est que il fait partie de ceux qui savent écrire et ils sont très peu nombreux. Oh bah écoute, je pense que déjà on regarde ça, on peut déjà le déduire facilement. On regarde où est-ce qu'il a tué. Tu penses à Maxime quand tu dis ça? Où est-ce qu'il a tué des gens et dire qui a tué comme gens. Il y a personne qui est mort pour un quartier des Fangeux pour le moment. Je te dis. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire. On sait qu'il vient de là-haut. Oui, mais enfin, après... les gens n'ont pas forcément fait de rapport là-dessus. Si peut-être toi, tu as pensé, c'était bien de nous en parler avant. Parce que... De quoi? On n'y a pas forcément tout de suite réfléchi à ça, sur le coup. Mais... Bon, on a déterminé dès le début en bas. Hein. Si vous dites. Mais maintenant, voilà, maintenant que j'y pense, oui, je pense que ce serait bien de peut-être jeter un œil à tous ceux qui. Déjà, faire une liste des gens qui savent écrire. Oui, ça peut être. Voir simplement qui sait écrire et peut-être par le jeu des éliminations ou peut-être d'une enquête un peu plus poussée, essayer de mettre la main sur ce fameux boucher. Tu penses que c'est peut-être lui qui tire les ficelles dans l'ombre qui... Je pense que le boucher, c'est du pain béni pour certaines personnes, car oui. La peur permet plus facilement de contrôler les gens. Sur ce point, on est d'accord. Et... certaines personnes aujourd'hui en profitent, clairement. Hein, que ce soit le parrain, que ce soit le Maxime même, hein, lui-même. Ouais. Et ce retour un petit peu de l'aîné qui arrive de nulle part, mais qu'on a, mis à part nous, personne ne l'a vu. Juste les gars qui sont derrière ça. Ça se trouve, vous savez quoi? C'est même pas la même personne qui est derrière les meurtres. Hein. Peut-être qu'ils s'arrangent entre eux, peut-être qu'ils en profitent, ils font... Faudrait vraiment voir, est-ce que c'est exactement... C'est qui les victimes qu'on connaît, mis à part la personne que j'ai vue être tuée? On a combien de victimes? Il me semble qu'il y a une personne du collectionneur. Enfin, oui, c'est la personne que j'ai vue être tuée, son bras droit. Après, y a combien de personnes en tout? Quelques personnes. Voilà, c'est... Je me permets d'intervenir. Il y a eu beaucoup de victimes qui n'étaient non létales, hein, qui ont été des victimes, qui ont été. Bah, le collectionneur, par exemple, a été blessé physiquement sans mourir. Hein. Après, des victimes qui en sont mortes, là, il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu 3 ou 4, de ce que vous connaissez. Mais de ce qu'on a su, est-ce que les victimes ont pu apercevoir quelque chose ou ont été vraiment surpris? Jamais, c'était dans le dos, quoi. C'était jamais de face. Mais évidemment, enfin, genre, s'ils avaient tous un témoignage... Non, peut-être mais puis avoir un masque ou quelque chose, ils auraient pu porter quelque chose. Okay. Et j'imagine que du coup, si t'étais une personne d'une force certaine... Pour faire ce qu'elle pour a fait. Pour infliger autant de dégâts, oui. Et qui avait une arme, je rappelle un peu, qui n'était pas une lame classique. qui laissait des... Pour les médecins qui étaient là, qui laissait des séquelles différentes d'une simple lame, un simple couteau, quelque chose du genre. Okay. Et qui avait accès à des matériaux que même la chroniqueuse, une des chroniqueuses les plus érudites de chez nous, ne connaissait pas. Donc, on peut s'attendre à quelqu'un de très élevé socialement. C'est vrai que... Et si c'était une mutation ? Ça peut être les matériaux auxquels elle a, la personne a accès, genre de quoi tuer les gens et tout ça, si c'était une mutation. C'est quelque chose de... Si c'était une mutation, est-ce qu'on l'aurait pas déjà vu ? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu quelqu'un avec une telle mutation qui pourrait tuer des gens comme ça ? Je vois mal, je connais pas trop de monde qui ont une lame à la place de la main. C'est ça. Enfin, après, c'est quelque chose qu'on peut envisager, qu'on peut mettre dans la balance. Oui. Mais parce qu'il faut pas écarter tout. C'est quoi les restes des trucs qu'il utilise ? Mais, mis à part son arme qui est inconnue, les ressources là, les trucs qu'il a accès. L'espèce d'encre qu'il a utilisée pour écrire son fameux message était justement inconnue de la chroniqueuse. Elle ne connaissait même pas la matière avec laquelle il a utilisé pour écrire. En fait. Pourquoi tu vas pas voir ton ami le chroniqueur, le collectionneur, pardon, pour lui demander ce que c'est ? Lui qui prend tout. Tu penses ? Tu penses qu'il saura des choses ? Bah, à ton avis, pourquoi il s'est fait attaquer ? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des choses à cacher, c'est tout. C'est vrai que si lui s'est fait attaquer et que son bras droit s'est fait tuer devant mes yeux... Je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question, c'est vrai. D'ailleurs, vu que t'es, comment dire... proche de lui, fait... Oui. Non, c'est tout. J'ai pas entendu... C'est une mise en garde, je pense. Ah. Je te promène pas seul, Bonnie. Hein. Je vais faire attention à moi. je vais essayer. Pour ma part, je saurais pas vous dire pourquoi, j'en sais rien, c'est juste une impression, juste un ressenti. Je jetterai un œil sur Maxime. Je sais pas, c'est sans fondement. C'est juste, vrai qu'il a de la force, cet enfoiré. Hein. C'est juste un ressenti. Donc j'avoue que... Ouais, c'est vrai que... Ouais. Bah, étant donné que c'est un peu le subalterne de l'aîné, il a accès à des choses que nous n'avons pas accès. Peut-être même en fait, l'aîné a des choses qui nous a cachées depuis et qui lui est le seul à l'avoir à connaître. Le fait qu'il a un petit peu débarqué de nulle part, entre guillemets, je pense que c'est tout ça qui nous fait peur. Ouais. Enfin bon, voilà, tout ça, c'était... Je tenais à vous en parler. Je te remercie. Et X, surtout, je sais, peut-être ton énervement avec tout ce qui se passe et tes camarades qui sont maltraités ces derniers temps, mais s'il te plaît... Et pourquoi cette frontière entre nous ? Enfin, je veux dire, tes camarades... Bon. Oui, non, mais parce que je sais pas, je saurais pas te dire, mais j'ai l'impression que tu t'isoles de plus en plus et que tu commences à faire une séparation entre toi et nous. Et sous prétexte nous sommes que, au même niveau, rappelle-toi. Nous sommes des humains. Nous comprenons la situation que tu subis et que vous subissez en tant qu'esclave. Mais et nous serons les premiers à vouloir qu'il n'y a plus ce rang d'esclave. Cela pour vous soutenir. Vous soutenir. Tu vas porter les pierres maintenant ? Bah écoute, je pense que depuis quelque temps, nous mettons de la main à la pâte. Tu veux pas venir aider ? J'ai aidé. Je suis venu aider à la fabrication de la du bétail de la ferme. J'ai aidé pour la chasse. Pour bien sûr. Prévoir. J'estime que je. Alors peut-être que je ne vis pas dans les mêmes conditions que vous dans ces baraquements, mais je pense que je m'investis corps et âme dans cette arche pour l'ensemble, pour vous tous, pour toi. Oui, mais je te parlais pas, Klinger, je parlais plutôt à madame, parce que je tiens à dire que, quand même, dire, c'est pas moi qui suis la meilleure amie de je sais plus quel du collectionneur, quand même, c'est pas rien, tout de même. Excuse-moi, mais quel rapport? Et puis, tu m'as vu? Enfin, sans déconner, est-ce que tu penses vraiment que je pourrais physiquement vous aider? Ah, mais si je pouvais vous aider, mais c'est avec une envie folle que je voudrais. Et je le fais déjà en vous soutenant moralement tous les jours. Ouais, on aimerait du soutien un peu plus concret. Et puis, mais arrêtez de faire cette frontière. Laissez-moi le temps. Je comprends pas pourquoi vous tracez cette frontière entre nous et vous. Pourquoi? Je n'ai jamais. Nous sommes des humains, nous sommes pareils. Je suis la première à vouloir que les esclaves soient libres. Mais franchement, tu te rends pas compte? Enfin, vous rendez pas compte comment vous parlez, nous? Là, vous dites vous, on. Enfin, je veux dire. Mais c'est toi qui dis vous. Je dis ça honnêtement parce que c'est mon ressenti depuis quelques temps, depuis quelques jours. C'est que j'ai l'impression que tu t'enfermes petit à petit et que on n'arrive plus à être proche de toi. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que justement ça m'importe et que il faut que tu es notre ami. Il faut que nous en parlions pour essayer de changer les choses, d'améliorer les choses. Et ce que nous avons là comme discussion est important pour nous et pour l'Arche. Et si on peut apporter de l'aide et faire en sorte que les choses changent, ce sera avec plaisir. Mais la seule chose que je voulais te dire en soi, c'est qu'il ne faut pas que ça dégénère parce que si ça venait à passer dans un cadre supérieur puis violent, l'Arche ne s'en remettrait pas. Et nous n'avons clairement pas intérêt à en arriver là, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de régler les problèmes tout de suite et en parler. Et c'est ce que nous faisons avec toi ce soir. Oui, c'est en faisant avec toi. Nous sommes tes amis, X. Ne l'oublie jamais. Et sinon... Annette, n'oublie pas le message que tu dois lui transmettre. Hein. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, tu te rappelles hier soir, lorsque nous sommes tous partis, l'aîné m'a retenu un petit peu. Il souhaiterait discuter avec toi. En tête à tête, seul à seul. X Avec Maxim? D'accord. Non, sans Maxime. Avec Maxime? Non. Personne. Toi, l'aîné, tout seul. Très bien. Quand ça? Ce soir. Très bien. Chez lui? Oui. Ouais, mais les fracasseurs vont me laisser passer? Non, je pense qu'il fera en sorte de te laisser le passage libre pour l'atteindre. Et nous ferons en sorte que personne ne rentre dans l'appartement. Même Maxime n'est pas censé être au courant. D'accord. Puis attention, tu couvres quelque chose, Annette. Oui, j'ai un petit chat dans la gorge. Qui veut parler? De quoi il veut parler? Ça sera entre lui et toi. Après, peut-être qu'il doit ressentir ton mal-être depuis quelques temps et peut-être qu'il a envie de savoir pourquoi. Comme nous l'avons fait nous là en ce moment, peut-être que lui aussi a besoin de t'en parler car il s'inquiète. Même si tu as bien, peut-être ressenti qu'il ne s'occupait pas de vous. Oui. Je pense que ça lui importe aussi. Nous sommes ses enfants. Eh oui. C'est papa. Je vois. Bien, j'irai le voir. Qu'est-ce que je vous dis? Et bah, c'est tout. Bah, sur ce, si plus personne n'a de choses à aborder. Je te demanderai juste, X, d'être le plus respectueux possible et de faire un minimum d'efforts. C'est tout. Toi, un peu, tu m'énerves. Mais. Non, oui. Certes, certes. Si tu veux. Allez, allez. Je lui tape un petit peu sur la tête en mode mignon. Fais gaffe, il va prendre mal. Je le caresse dans le sens du poil, hein, c'est bon. Il faut savoir rigoler dans la vie. Il faut savoir ouvrir ses chakras. Qu'importe. Puisque le temps va être d'occuper vos journées. Et là sera ma question. Sur comment allez-vous occuper vos journées, chacun, individuellement. Eh bien, pour ma part, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais, comme j'en ai parlé à X, donner un coup de main pour le bétail, puisque c'est toujours en suspens depuis très longtemps, et il faut que ça avance. Donc je voulais juste prendre un peu de temps pour aller voir comment ça se déroule au niveau du bétail, s'ils avancent ce genre un petit peu. Et peut-être, vite fait, si c'est possible, donner un coup de main. Ça changera aussi les idées, et puis j'aurai l'impression quand même de faire avancer l'arche malgré tout, même si c'est pas simple en ce moment. Eh bien, je le note. Et du coup, c'est le bétail, toi, que tu veux travailler. Ouais. Tu rejeterais. Parce que c'est dans l'arche. J'ai pas besoin de sortir. Bah, le temple est dans l'arche aussi. Tu me diras. Ouais, mais là, je me sens pas d'humeur à être. Oui, mais on sait toujours pas quel dieu on prie, donc non. Putain, ouais, j'avais oublié ça. Bon. Oui, mais ça, c'est un truc qu'on est. On fera ça entre deux sessions. Faut que j'y pense. Ok. Bah, je vais faire le tour avant de gérer chacun individuellement, donc je le note. Je veux juste savoir du coup la suite pour chacun d'entre vous, et après on voit comment j'agence ça. Question, est-ce qu'on peut faire plusieurs choses? En soi, oui, c'est une journée. Là, c'est une journée qu'on va compléter, donc tu peux me dire et je te dirai si ça rentre dans les clous. Donc là, on est plutôt le matin, d'accord? C'est ça. Donc je pense que. Durant le matin, je pense que je vais aller parler au collectionneur. Ensuite, je vais faire ma pause. Et tout le restant de l'après-midi, je vais rejoindre Klinger et je vais aider au bétail aussi. Parce qu'apparemment, je bosse pas assez. Vu que tu passes pas la journée entière, mais juste l'après-midi, t'auras juste un dé malus sur le jet, mais bon. C'est et donc, c'est aussi sur le bétail que t'interviens? Oui, bétail aussi. Ok. Très bien. Je note. Médiane ou X, je vous écoute. Moi, je vais participer au temple pour tout ce qui est physique. Okay. Tu comptes passer toute ta journée là-dedans? Oui. Ok. Ça va être notre moine. Ok. Moi, je vais tout simplement me remettre à ma fonction première. Chez les médecins, ok. C'est-à-dire, voilà, soigner les gens. Malgré sûrement le fait que l'autre chroniqueur qui me pète les couilles va sûrement être contre, parce que je suis pas encore remise, patata, mais est-ce que c'est vraiment important si je vois des étoiles? Non. Ok. Très bien. Je vais du coup commencer par les jets, parce que c'est le truc le plus simple à gérer. On va commencer par les deux personnes qui sont au bétail, puis on fera le temple. Bon, en fait, ça fait un peu le même ordre, du coup. Alors, je rappelle que pour le bétail, il y a deux compétences qui peuvent être en jeu. C'est soit connaissance de la zone, pour savoir du coup quel animal attraper, ou l'endurance pour justement maintenir le bétail, ce genre de choses. Du coup, je vais demander... je vais commencer par Kinger, savoir dans quel domaine toi tu t'investis et me décrire un peu la chose. Bah du coup je vais plus partir sur sur l'endurance. Et je vais utiliser bah justement mon chien, enfin Flint, pour un peu tenir le bétail, voir et peut-être essayer de contenir, tu vois, enfin essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aider à ça, si c'est possible. Tout en débouchant une bouteille ou deux de temps en temps. Ok. Tu vas du coup me faire un jet. Ah, c'est vigueur bah, coup, et endurance. Ouais. Et du coup, effectivement, le bétail est fini. On a quand même plein de se demander pourquoi ça a pris 2 semaines à le construire. À la limite, vu qu'on en a fait plein de 6, on a fini plus tôt, ce qui nous laisse un peu de temps dans la journée pour. Si vous voulez faire autre chose. Voilà. Et... Évidemment. Tranquille. Très bien. Du coup, le bétail est fini et il sera pris en compte très prochainement. Dès qu'il sera mis en route, vous avez ramené les derniers animaux, etc. etc. Pour vous dire une indication, je ne sais plus si c'est écrit sur la fiche, je vais regarder vite. Non, tiens, il n'y a pas marqué la tenue. On va le faire exceptionnellement en session, comme ça vous avez directement la récompense. Mmh. On va voir le bonus que ça apporte à l'arche. Donc c'est sauf le bétail, c'est la nourriture généralement. Qui va jeter. Oui, s'il y a effectivement c'est le souillère. Il faut juste que j'aille moi dans l'arche. Tiens, à faire des bougés, souillère. Alors du coup, c'est le bétail que vous avez fini. Et donc pour donne-nous du loot. Le bonus, une fois terminé, c'est un bonus de nourriture de 2d6. Donc, souilleur, lance-moi, 2d6. 2d6, c'est parti. Donc, très très fort. 1 et 1. Oh, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On fait des 6 en pagaille. On a fait 6 des 6. Est-ce que ça compense? C'était la sûrement du coup le projet le moins rentable de tous les temps. Mais on a fait que des 6. Votre nourriture aurait pu augmenter entre 2 et 12, et c'est 2. Bon. Par conséquent, l'arche, à partir de maintenant, passe de 12 de nourriture, pas à 24, hein, mais passe de 12 à 14. Bah, ça ouais, va les sens. Je sens une petite dépression parmi vous. Il faut pas se pousser. Non, ça ne se pousse pas, ça. C'est hors. Ou alors, c'est-à-dire que l'arche a elle-même des traumatismes et ça commence à aller haut. Très bien. Bah, du coup, votre niveau de nourriture n'augmente pas. Vous êtes toujours dans le même cas de nourriture accessible. C'est-à-dire pas très. C'est-à-dire. C'est mieux que la famine, mais vous êtes toujours pas très bien installé non plus. Très bien. Et du coup, on va s'intéresser au temple, par notre ami X. Du coup, pour le temple, c'est soit endurance, soit manipulation. Tu m'as dit que tu faisais ça physiquement, donc c'est endurance. Donc je te laisse faire le jet d'endurance, sachant que, je regarde ta fiche, parce qu'à chaque fois, il y a des bonus qu'on oublie chez toi. Est-ce que il y en a pas un, là, qui rentre en jeu? Mais de somme? Ouais, voilà. Ouais, donc t'as plus 2 de jet pour le projet de marche. Réussite. Une. Non. Ok, une seule. Ça c'est super triste, t'aurais pu tellement le finir tout seul. Oui, non, c'est vrai. C'est déjà mieux que rien. Bon. Il avance plus doucement. Sur 7D. Ça veut dire que si on se serait mis tous les deux, enfin tous les trois, au temple, on l'aurait sans doute fini. Du coup, c'est noté. On va repasser du coup en petit flashback en arrière, puisque là on a fait avancer la journée, et on va s'occuper du matin du coup de Annette, et après je m'occupe de la médecine de la personne qui vient d'avoir une petite absence, c'est normal, elle pense encore aux créatures de la dernière fois. Annette, du coup tu as été voir le collectionneur, fort heureusement pour toi, hein, il est assez facile à trouver dans l'arche, hein, il suffit d'aller dans son abri. Chez lui. Du coup bah, tu te rends dans sa planque, et... Il t'accueille forcément de manière amicale. le tout toujours étant occupé à regarder quelques breloques ci et là. Comme à son habitude. Comme à son habitude. Je te laisse démarrer la conversation si tu veux. Hey Keys, comment ça va? Ça va, ça va. Je médite un peu sur toutes ces breloques. Ah, comme à ton habitude. Oui, oui. Je regrette un peu que les explorations récentes n'ont pas amené plus de choses. Oh, il y a bien eu l'arme amenée par ton ami. Mais bon, les armes ne sont pas ce qui m'intéresse le plus. Tu n'as pas entendu la nouvelle récemment ? Oh, si, si, bien sûr que si. La grande. Mais... J'en ai pas grand chose à en faire pour le moment. C'est que sa présence est une bénédiction, sans aucun doute. Mais je pense pas qu'avoir une bouche de plus à nourrir, d'autant plus si fragile, soit tout de suite la meilleure des choses. J'aimerais voir l'arche évoluer plus rapidement, mais le peuple est assez capricieux ces derniers temps. Ah, je suis d'accord avec toi, mais... ce qui te trimballe. Ça donne de l'espoir au peuple, et c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est pas... J'ai pas un problème avec le fait qu'il y a des espoirs au peuple, j'ai plutôt un problème avec le fait que certains puissent l'utiliser à des fins... En effet. C'est la première pensée qui m'est venue lorsque nous l'avons trouvé dans ces ruines. J'ai tout de suite eu peur que quelqu'un qui a des mauvaises intentions l'utilise et... Avec des amis, c'est une théorie qu'on a. Je sais pas si tu as cette mauvaise impression, toi aussi, sur ce Maxime. Ça fait longtemps qu'il traîne parmi les plus privilégiés. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Et il a remplacé Astrid. Il a remplacé Astrid ? Oh, je pense bien qu'il ne quitte pas son poste de chroniqueur qui lui apporte tant d'avantages par bonté. Ouais. Son poste, bien qu'il ne l'a jamais nommé, c'est qu'il remplace le Caïd. Hein. Si tu veux une simple vue de ça, regarde qui sont les gens qui l'entourent. Oui. Et tu sais très bien que Milik, c'était le bras droit d'Astrid. Mais... Est-ce que tu penses réellement que toutes les personnes qui sont autour de lui lui sont fidèles à 100%? Oh, je sais pas, je ne suis pas dans ses relations. Je ne sais pas comment il a fait pour s'entourer. Je ne sais pas s'il les manipule ou s'ils sont tous conscients d'œuvrer pour la même chose. Ça me paraît louche d'histoire et j'aime pas qu'un enfant soit mêlé à tout ça. Oh, de ce que j'ai cru comprendre des conversations qui traînent dans les rues, l'enfant va être isolé dans les quartiers de l'aîné. Ouais. Ouais, ce serait une bonne chose. En fait, on a discuté, mes amis et moi, d'un problème qui est toujours d'actualité. Est-ce que tu te souviens de ce fameux boucher? Tu vois que son visage se ferme un peu et... Non, enfin, bien sûr que je me souviens de ses actes, mais... Oui. Pas de ce qu'il y a derrière. De ce qui s'est passé avec toi, notamment. Tu... Ouais. Enfin, j'aimerais savoir comment tu l'as vécu, comment tu t'es senti. Ah bah, comme une agression, je ne sors que rarement auprès du peuple et... Est-ce que tu as pu voir le moindre indice qui aurait pu... Non, l'attaque est rapide et j'ai pas eu le temps de réagir. J'ai juste pris les coups et perdu conscience. Je vois. Parce que nous avons recueilli plusieurs informations et... Il est fort possible que dans peut-être plusieurs jours, quand nous aurons recueilli assez d'informations, on soit peut-être en mesure de savoir qui c'est et de le faire payer. Honnêtement, moi, ma théorie, c'est que c'est quelqu'un qui était extérieur à l'arche et qui a profité des derniers remous pour sortir après être rentré par la même de la même façon. extérieur à l'arche. Les Onars racontent qu'ils ont bien vu d'autres personnes vivantes, un culte qui semblait résister au froid et la faim, ce genre de choses, je crois, qu'ils avaient dit. Enfin... Si c'est le cas, on a de gros soucis de sécurité. Ça veut dire que tout le monde pourrait rentrer. On n'en a aucune défense, on n'a aucun coup de tour de garde, bien entendu. Le peuple n'est il est pas encore éveillé à ce genre de questions. Et c'est pour ça que ça serait bien que ça soit plutôt des gens comme nous qui prenons la lumière que des gens comme Maxime qui, je suppose, va s'enfermer dans ce qu'il peut avoir lui personnellement. En tout cas, j'en suis désolé que tu as dû subir une telle attaque. Je suis désolé d'avoir réveillé ces souvenirs d'ailleurs. Oui, que ça part. Y a pas de souci. Je comprends. Si vous cherchez au moins qui a fait ça, faut bien chercher vis-à-vis d'ici, mais. Non. Je n'ai pas de choses particulières à rajouter là-dessus. Malheureusement. En ce qui concerne ta proposition, j'aimerais revenir dessus. Je t'écoute. La prise de parole de Maxime nous a un peu inquiétés. Normal, j'ai envie de dire. Comment tu imaginais ce plan que tu m'as parlé? Je dois dire que je n'avais pas pris en compte son arrivée aussi rapide pour remplacer. Je pensais qu'on puissait agir avant que Castrid trouve remplaçant. Mais j'imaginais juste établir contact. C'est vrai que je n'ai pas bonne réputation. Hein. C'est pas étrangement du fait que je sois le plus isolé. Les gens s'imaginent que je suis peut-être le pire. Mais qu'importe. Je pensais passer par toi pour donner bonne image, vu que déjà par ton poste de chroniqueur, enfin de chroniqueuse, tu attires plus facilement la sympathie que moi. Et je pensais simplement, oui, établir contact et être honnête, leur parler des défauts qu'on a vis-à-vis de ces babioles, de pas comprendre la plupart qu'on a, et on en a très peu. Ne pas comprendre comment défendre l'arche si demain quelqu'un est hostile envers nous, on n'a aucune défense et juste leur dire qu'on pourrait être la voie qui pourrait permettre de suivre ça. Ouais. Les aider, prendre la parole, aller sur Estrad les matins, leur parler des problèmes, des explorations, de ce que ça peut nous apporter. C'est normal qu'ils sont pas pour l'instant volontairement allés dehors, ils n'ont jamais connu ça de leur vie, et nous non plus jusqu'à présent, bien entendu, mais certains ont conscience des problèmes qu'on a, et d'autres les vivent simplement sans forcément les comprendre. Je suis d'accord avec toi, et je pense que je vais me ranger totalement de ton côté. J'aimerais aussi te proposer un petit deal. Je ne sais pas si tu as entendu avec tes petits oiseaux, mais je fais parfois des représentations dans le quartier des Fanges. J'aimerais que à ma prochaine représentation, tu viennes, que tu te montres, que tu m'écoutes et que tu repartes. Juste faire acte de présence. Soit, si tu penses que ça peut aider. Je pourrais sortir d'ici. Tu sais quand est-ce que aura lieu cette prochaine représentation ? Peut-être demain. Je vois. Bah, tiens-moi au courant et je viendrai. Je te tiendrai au courant. Parfait. Bon. J'ai affaire, je te laisse vaquer à tes occupations et de toute façon le repas sonne bientôt à notre porte. Oui, y a pas de soucis. Prends soin de toi, Kaïs. Tu vois qu'il te salue. Et tu repars de ton côté. Afin d'aller aider Klinger qui a quasiment fini à lui tout seul le bétail. Du côté de Médiane. Du coup, effectivement, tu es parti reprendre ton poste en médecine. Comme tu t'y attendais, l'accueil n'a pas été très positif. Hein. Forcément, Vitarion, hein, qui est ton supérieur direct, n'a pas eu une tête très enchantée lorsqu'il t'a vu franchir le seuil de votre mini-ruine qui sert de soins. Et il t'a clairement fait comprendre qu'il n'était pas très pour le fait que tu reprennes ton activité et que ça le dérangeait pas si tu prenais repos supplémentaire après tout ce que tu as vécu. Je ne sais pas du coup si tu as persisté, si tu as du coup tu l'as écouté, tu es parti. Oh non, j'ai persisté. Ah, attends, tu persistes. Attends. Ah, c'est dommage. Ok. Après avoir une petite absence, tu persistes. Hein, ce qui me, ouais, d'ailleurs. J'ai insisté, puis j'ai eu une absence. Il m'a regardé droit dans les yeux, j'étais en absence. Et après, j'ai continué à insister un moment. Et clairement, ça l'a clairement pas rassuré, hein, ton absence en plein milieu de. Oui, du coup, bah, il demande à un de tes collègues de simplement veiller sur toi le temps de la journée parce que il a peur que tu fasses des gars. Et honnêtement, la journée est d'ailleurs plutôt calme. Hein. Les gens blessés sont assez rares, ce qui est très positif vis-à-vis de ce qui s'est passé ces derniers temps, hein, parce que tu ne l'as pas vécu, parce que tu étais toi-même une victime du boucher, mais lorsque plusieurs corps ont été trouvés, la plupart vivants, ça a été la panique pour gérer ça en sous-effectif. Là, au moins, vous avez le temps de gérer les quelques personnes qui sont soit malades, soit un peu blessées. Il y a d'ailleurs, dans l'après-midi, une personne qui vient. Il y a du coup une personne qui vient. Tout simplement qui s'est entaillé genre le bras en voulant aider à construire la clôture du bétail. C'est clairement une journée assez calme et à vrai dire ça te fait du bien parce que depuis que t'es revenu à toi, je pense que tu as remarqué que beaucoup de choses ont changé. Ça a été assez particulier pour toi de retrouver tes marques, enfin l'arche a changé de tout au tout le temps de ton coma. Là, tu retrouves un peu ta routine, tu vois. Tu retrouves tes réflexes. Des fois, t'as des absences. Ouais, tu étais en train de soigner ce pauvre homme qui s'était pris du fil au milieu de son bras. Et puis, pendant une minute, tu l'as juste fixé, évidemment. Il a eu un peu peur, mais ça va. Finalement, plus de peur que de mal. Enfin bref, tu passes ta journée comme ça. Est-ce que il y a quelque chose de particulier que tu fais dans ta journée en plus des soins, genre est-ce que tu essaies de avoir contact avec Vitarion, ce genre de choses? Non, pas spécialement. Ok. Je pense que si de temps en temps Vitarion jette un coup d'œil pour surveiller, je fais c'est même quelqu'un. Exprès de faire semblant d'avoir en plus, plus d'absence que prévu. D'accord, tu simules des absences pour je le provoquer. Je suis auto-consciente de mes absences et j'en provoque plus. Très bien. Et bah tu vas passer ta journée à soigner des gens et à te provoquer des absences dès que ton supérieur hiérarchique va te surveiller pour voir si tu vas bien. Très bien. Ok. La journée du coup se passe. Oui. As-tu quelque chose à dire ? Je vais en profiter justement du temps profiter du temps qu'on a en plus vu qu'on a été assez vite pour finir le bétail aujourd'hui pour que le avant la fin de la journée je passe voir Davana. Avant nous travaillons tous les deux au bétail, j'aimerais te prendre un petit peu à part. Oui. Et discuter un petit peu avec toi. Ok. Klinger, tu peux venir un petit peu? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'était juste pour pour discuter un petit peu de ton point de vue par rapport à ces événements. Mmh. Bah écoute, vas-y, je t'écoute. Il y a quelques jours, le collectionneur m'a proposé quelque chose. Mmh. Il m'a proposé de remplacer, entre gros guillemets, Astrid. Ouais. Est-ce que toi, ça te... Enfin, est-ce que toi, ça te semble normal? Je me doute bien que... Astrid va être remplacée d'une manière ou d'une autre. Que ce soit quelqu'un que je connaisse ou pas. Après, s'il te le propose, c'est qu'il doit voir en toi un potentiel pour remplacer Astrid. Ou alors, tout simplement, il doit voir un moyen peut-être détourné d'avoir un contrôle supplémentaire sur un Kaïd. Puisque je pense que malgré tout, si tu venais à être Kaïd, tu garderais des liens assez proches du collectionneur. Mais moi, ces jeux politiques, ces jeux de pouvoir, j'avoue que j'en suis assez loin. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais si tu te sens de le faire, pourquoi pas? Maintenant, t'as dû bien t'en rendre compte que quelqu'un s'est déjà posé. C'est exactement pour ça que, il a que je voulais avoir ton avis. Il s'est même posé chez elle. Mais oui, c'est pour ça que, en y réfléchissant un peu plus, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire de plus. J'ai peur de... Enfin, des conséquences que ça pourrait avoir par rapport au parrain, par rapport... Et je sais pas si j'en suis réellement capable. Essaye de voir avec le collectionneur, voir ce qu'il peut te donner comme conseil, ce qui peut te servir, mais bon... Personnellement, maintenant que Maxime s'est placé et qu'il s'est ouvertement placé aux yeux de tous, tu penses que ça ne sert à rien de... Ça va être compliqué. Comment expliquer que tu veux prendre la place d'Astrid alors qu'il est déjà placé chez elle? C'est pas ce que je veux réellement. Moi, ce que je veux, c'est que l'arche fonctionne correctement. Ce que je veux, c'est que tout le monde soit représenté. Que tout le monde soit correctement représenté. Et qu'il n'y ait aucune digression. Est-ce qu'il y a un chroniqueur chez les Kaïds? Pour l'instant, non. Mais enfin, il y en a un. Il ne l'est plus, mais il y en a un. Il n'y en a plus maintenant. Voilà. Mais ce serait la même chose pour toi. Tu lâcherais ton rôle de chroniqueuse pour devenir c'est ça qui m'embête. Ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en soi, tout le monde est représenté. Peut-être même plus non. que ce qu'il était avant, puisque Astrid n'était pas une chroniqueuse. Les esclaves ne sont pas représentés. Pas encore. Oui, mais honnêtement, je pense que malgré ce que tu veux mettre, jamais un esclave n'arrivera à se placer en tant que Kaïd, et ça irait à l'encontre même de... Oh. Du rôle. Non, mais j'entends. Comment faire passer un message à un esclave qui devient Kaïd? Justement. Quel message va-t-il passer aux autres esclaves? Le message de pouvoir être libre, de pouvoir se soutenir. Écoute. Oui. Je pense que la discussion qu'il va avoir avec l'aîné ce soir va avoir son importance. L'aîné est malgré tout toujours l'aîné, c'est toujours lui en charge des choses, même si Maxime se pose en représentant. Donc, en fonction de ce que donnera l'entrevue, et vu que Maxime n'est au courant de rien, Tout simplement, l'aîné peut lui ouvrir une porte et lui c'est une opportunité de faire évoluer la situation. Et il faudra simplement faire en sorte que le résumé, l'entrevue soit partagée avec d'autres personnes, que ce soit avec le collectionneur pour qu'il soit témoin de ce qu'il en est, pour pas que Maxime ou d'autres personnes décident d'étouffer un peu cette entrevue. Tu m'as toujours eu l'air d'une grande sagesse, Klinger. Je vis un peu en marge de tous ces jeux de pouvoir. J'ai du coup le temps de vous voir, oui, de vous observer. Mais tout ça ne m'intéresse pas. C'est bien dommage, car on aura bien besoin de personnes comme toi pour faire évoluer les situations. Peut-être, mais... Tu ne penses pas que tu pourrais aider à améliorer l'arche ? Je le fais déjà. Non, mais dans les hautes sphères, je parle. Ça ne sert à... Enfin, je ne suis pas joueur, je ne sais pas jouer à ces niveaux. Fourberie, malice, vice, tout ça, ça... Non, voilà. Je parle pas. Oui, mais... Justement, ce que je veux, ça, c'est éviter ça. Mais tu sais comment ça marche. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, bah, je vais devoir te laisser. Je vais essayer justement de prendre des nouvelles du petit. Je vais aller voir... Il n'y a pas de souci. Tavana. Oh, et... Pas su de bonjour de ma part. J'y manquerai pas. Et je m'en vais. Ok. Très bien. Et du coup, tu vas voir Davana. Tu te rends tout simplement au quartier des Anges et tu essayes de savoir si elle est plutôt dans sa planque ou plutôt déjà dans le quartier de l'aîné. C'est dans sa planque que tu la trouves. Mm-hmm. Et du coup, tu vas pouvoir entamer la conversation. Donc, je toque à la porte pour qu'elle s'arrête. J'ai Davana. Tu vois qu'elle ouvre. Ah, c'est toi. Salut. Salut. Je venais en nouvelles. Comment tu t'en sors? Ah, mais. Ils veulent me flanquer le bébé? Bah, c'est ce que j'ai bien compris. Bébé. Rentre. Ça me. Tu vois qu'à te faire rentrer. Ça me met hors de bois. Enfin, genre. Déjà, pourquoi? Pourquoi moi? Genre, il y a plein de chroniqueurs qui sont beaucoup plus, peut-être, faits pour ça. Moi, j'ai jamais géré quelque chose comme ça, tu vois. Honnêtement, je pense que, mis à part l'aîné, personne n'a géré un enfant. Hein. Donc, toi ou un autre, enfin, ou une autre, ça changerait rien. Hein. Mais je préfère mais déjà, que ce soit toi. Pourquoi une? On n'a pas, c'est pas spécialement des contacts avec ça, tu vois. Et pas, ensuite, ils viennent de me virer de l'organisation. J'ai été viré de son foyer. Et maintenant qu'il faut gérer un bébé, on me rappelle. Mais je pense que l'aîné doit avoir ses raisons et qu'il doit te sentir plus apte à faire ça. Et c'est une grande confiance, mine de rien. Tu es en charge d'un avenir potentiel de l'Arche, ne l'oublie pas. Et c'est l'avenir. Nous sommes déjà le passé, quelque part. Donc, ta mission est d'une importance capitale. Former le futur de l'Arche. Et c'est justement ça le problème. J'ai aucune compétence là-dedans pour le futur de l'Arche. Et en plus de ça, je suis là, mais le futur de l'Arche avec un seul bébé, il va pas aller bien loin. Peut-être nous pourrions en trouver d'autres. Si un est retrouvé, ça veut dire que d'autres sont potentiels. Bien sûr, et on va tous les coller à moi, tu vois, genre... Écoute, l'aîné, il a fait comment, lui? Il en avait combien, des enfants comme celui l'aîné, que tu as ici? Et de ce qu'il nous raconte, il nous a eu en charge depuis notre naissance. Mais imagine-toi, c'est lui qui a décidé. Qu'il avait. Lui, tout seul. Oui, tu en as je suis pas l'aîné. Tu en as un. Il en avait 300 peut-être. Oui. Voilà, donc je veux dire, tu en as un seul. Un seul ouais. Davana. Et sache que si tu as besoin d'aide, je suis là, ou d'autres peuvent te donner un coup de main. Genre, tu n'es pas seul. Ouais. Et tu as beaucoup à lui apprendre à cet enfant. Ta sagesse est grande, ton savoir est grand lui aussi. Et si je préfère savoir qu'un enfant avec toi, et je sais qu'il deviendra une personne d'importance, une personne qui sera sage et qui fera évoluer l'arche dans le bon sens, plutôt qu'avec d'autres, comme Maxime par exemple, que j'ai du mal à cerner, mais je préfère le savoir avec toi. Et si quand il grandit, il devient une des pires raclures de la pire espèce, s'il y a un problème, ça sera ma faute. Mais non, j'ai aucun doute là-dessus. Je suis sûr qu'il deviendra une personne parfaite avec toi. Mais je comprends, tu c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de pression, mais tu t'en sortiras très bien. Et sache que tu n'es pas seul, retiens-le. Si tu as besoin d'aide, tu peux faire appel à moi, tu peux faire appel à d'autres, à Annette, je suis sûr qu'elle sera ravie de pouvoir t'aider. Même X, je suis sûr qu'il pourra même t'aider. Médiane, elle est là, en plus elle est pas loin, donc si tu as besoin d'aide... Alors, j'apprécie grandement Médiane, mais depuis qu'elle est revenue à ce qu'on raconte, elle a des absences, et avec un bébé dans les bras, ça me ferait un peu peur. Oui, mais après, elle est un peu perdue, il faut se mettre à sa place. Depuis qu'elle est arrivée, tout a changé. Oui, non, mais je suis clairement pas hostile à la présence de Médiane, c'est une personne que j'apprécie grandement. Ouais. De toute façon, je n'ai pas vraiment la possibilité de refuser, donc... je pense, oui. Et sinon, que me vaut ta visite? Ben justement, je voulais prendre des nouvelles de ta personne, et puis du petit. Voir comment ça va, est-ce que tu t'en sors, est-ce que c'est pas trop compliqué? Écoute, ils m'ont demandé de venir en fin de soirée... pour commencer à gérer le petit. D'accord, donc tu l'as pas encore récupéré. Non. Non. Okay. Je sais pas encore ce que je vais devoir faire une fois que je l'aurai récupéré. Bon, après, je pense que tu auras l'occasion d'en discuter avec l'aîné. D'après ce que j'ai compris, il va aussi s'occuper de lui au niveau de l'apprentissage et tout ça. Mais je pense qu'il saura aussi te donner les conseils dont tu as besoin pour t'en sortir. Et ça peut aussi te servir d'avoir un lien avec l'aîné directement, parce que sache que tu seras une des seules de l'arche à pouvoir voir l'aîné directement sans passer par Maxime, et ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est un plus. C'est un plus, mais c'est pas un plus qui est rassurant en soi. Voyons le positif, là on peut le voir. Tu sais, je regrette amèrement l'époque où on était tous plus jeunes et que l'aîné allait bien. J'ai eu d'un combinard un peu d'alcool, c'est comme de l'eau, mais ça fait du bien. Est-ce que t'en veux? Tu veux goûter? Écoute, fais voir. Alors, je vais être honnête, par contre, le goût est assez affreux. Mais ça fait du bien. Écoute, je vais voir, je vais goûter ça. Donc tu vois qu'elle sort une espèce de vieille bouteille toute remplie de poussière dans un tissu. C'est fait maison, je sais pas ce qu'il y a dedans et je me dis que je préfère pas savoir. Et être autant à bouteille, tiens, goûte. Donc je regarde la bouteille, déjà, je suis un peu méfiant, mais... Si tu sens, ça pue énormément. Ouais, non, je vais sentir. C'est une odeur qui est forte, et très nauséabonde, un peu nauséabonde même, hein, ça... Arrache le nez, ton truc, là. Je mets la bouteille aux lèvres, vite fait, et je vais vraiment, mais juste une lipée, quoi. Genre vraiment pas une ouais vraiment, j'ai trempé les lèvres, tu vois. un peu. Ah, regarde ton truc, ça. Le goût est vraiment pas agréable. Mais. C'est vrai que. Même un tout petit peu. Tu sens que. C'est comme une petite chaleur, tu vois. Genre. Oui, c'est... Il y a un petit côté agréable. Le premier instant âcre. C'est ça. Voilà. Après, il faut ça, passer le goût. Ça chauffe la bouche, quoi. C'est ça. Ouais, enfin. Spécial ton truc, hein. Mmh. Oh. Ouais, et honnêtement, je suis presque sûr que c'est aussi mortel que n'importe quelle souillure dans la zone. Mais bon, honnêtement, enfin, c'est vraiment le moral. Vite un petit peu quand même. Hein, vu de goût que ça, ça doit pas être très bon pour le corps. Bah, tu sais, je suis pas contre le fait que les. Qu'ils arrivent à inventer une nouvelle boisson, tu sais, ça prouve. Oui, vraiment. Fais ce que tu veux. Dit... Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui me donne envie, mais. Soit. En tout cas, sache que. Je t'en parle, hein, mais. On a un peu réfléchi avec. Le reste du groupe. Sur ce qui se passe avec le boucher. Je t'en parle à toi parce que bon, tu sais que c'est le mec que je te fais confiance, donc tu garderas ça pour toi. Mais nous avons un petit peu réduit la liste des potentiels suspects, et étant donné que, comme tu dois l'imaginer, le nombre de personnes qui savent écrire dans l'arche, ça court pas les rues. Ça réduit beaucoup le nombre de suspects. D'ailleurs, si tu pouvais nous faire, si tu avais l'opportunité de nous faire une petite liste des gens qui, selon toi, savent écrire, ça pourrait nous faciliter les choses. Je vais essayer, mais je t'avouerais qu'avec le bébé sur les bras, je sais pas à quel point maintenant je vais être. Je me doute bien, mais. Ou au pire, tu peux demander à l'aîné. Lui, il doit savoir qui sait écrire en l'arche. Aussi, si jamais tu venais à entendre. Petit bruit de couloir par-ci par-là, des choses qui pourraient être intéressantes, pas forcément que sur le boucher, mais sur le reste, n'hésite pas à m'en faire part. Ouais. Je ferai de même de mon côté, bien évidemment. On verra ce que va donner ma nouvelle situation à partir de ce soir. Mais écoute, sache que je suis là, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me prévenir, et je serai ravi de t'aider, du mieux que je peux. Bien. Sur ce, la conversation se termine. Elle s'isole un peu, buvant cette boisson un peu étrange. Moi, je vais boire de l'eau derrière. Toi, tu vas consommer une ration d'eau. Ouais, une ration d'eau. Et du coup, tu vas occuper ta soirée comme tu peux. Vous savez que l'heure commence à approcher. Et... Ça va être l'heure pour X de communiquer directement avec les. En effet. Du coup, qui le, qui l'accompagne comme prévu jusqu'à la maison pour surveiller. Ok, vous êtes deux. Peut-être trois, mais il y a une personne qui a pas de caméra, on ne sait pas. Il fait ça. Quoi ? Je suis pas pris. Pourquoi vous m'ignorez ? Non, en vrai, je viens pas, c'est pas. Je suis pas assez conscient de toutes ces histoires pour prendre sens. Je comprends. Du coup, X, accompagné de Klinger et Médiane. Non, pas du tout. Et Annette, parce que Médiane est partie pêcher. vous rendez du coup à la résidence de l'aîné et eux te laissent au rez-de-chaussée. Il y a. Pour une fois, et c'est peut-être une première fois depuis bien longtemps, qu'il n'y a pas de personne qui garde la demeure en elle-même. Okay. Tu peux donc... Je vais entrer discrètement, je vais pas m'annoncer en frappant la porte, quoi. Puis j'imagine que je vais commencer à monter. Aller voir Lenny. Enfin... Dans la salle où on était hier. Tout à fait, la même. Moi, je reste sur le parvis. Il t'accueille en se redressant un peu, toujours faiblement et pas énormément beaucoup. Ah, je suis heureux que tu sois venu, X. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Lorsque nous avons discuté au cours de la nuit précédente, tu as évoqué certains noms, certains événements, comme si je devais en avoir conscience. Malheureusement, rien de tout ça m'est familier. Je pense que ton franc-parler va me permettre d'élucider si les personnes avec qui j'ai quelques contacts me cache des choses ou pas. Alors, je t'écoute, X, dis-moi tout ce qui te dérange dans cette arche. Je t'écoute. Enfin, comment ça, enfin, vous avez pas, enfin, je veux dire, c'est votre porte-parole, Maxime. C'est beaucoup rapproché de moi ces derniers temps pour m'aider à faire face à mon état, mais il n'est pas plus que n'importe quel autre chroniqueur. Bah, pourtant c'est ce qu'ils annonçaient. Bien lui qui vous, qui fait le lien entre, c'est ce qu'il disait, c'est lui et ses. Et d'autres gens, je crois, Milix, le combinard, et Dava... Dava. Décidé de porte-parole. Jusqu'à présent, j'ai toujours privilégié les chroniqueurs, parce que ils sont les transmetteurs du savoir que je veux que l'Arche apprenne. Et parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous accorder le temps que vous méritez, bien entendu. Mais je n'ai jamais fait de sélection particulière. Je me disais bien que mes visites récentes étaient de plus en plus rares. Mais je comprends pas, en fait. Vous n'êtes pas au courant de... Il n'y a personne qui vient vous dire ce qui se passe là, actuellement. Enfin... J'ai beaucoup discuté avec Maxime et il me dit que l'Arche avance à sa façon, que vous avez réussi à obtenir plus facilement de la nourriture. Et c'est tout? Oui. C'est tout? Attendez. Enfin... Je veux dire... C'est au courant du boucher, au moins? Enfin... J'ai entendu ce nom la dernière fois, mais je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Bien, quelqu'un s'en prend à nous. La nuit, par le soir, personne se font attaquer. Visiblement par la même personne. Et... Ça a cessé depuis quelque temps, ça s'est calmé, mais il fut un soir où pas une personne, pas une victime ne pouvait être... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y avait des gens qui se faisaient attaquer quasiment tout le temps et... Comment dire, on n'a pas trop compris. Tout le monde essaye de se... Tout le monde se bat, tout le monde se fronte. Prendre votre relais, enfin, votre place. Ou enfin, celle que vous avez eue, en tout cas. Et comment dire, je sais pas, on a trouvé. J'en parlais ce matin, apparemment. Ce serait quelqu'un qui sait lire et écrire. Elle a écrit avec. Quelque chose qui vient pas de l'arche, et c'est vraiment pas. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre moi-même pourquoi quelqu'un voudrait nous tuer parmi nous. Enfin, c'est vraiment... Mais il n'y a pas que ça. Enfin, ça, c'est limite si ce n'est pas secondaire. Enfin, je veux dire... Je ne sais pas si vous avez déjà jeté un coup d'œil dehors, mais... Là, cognant. Le dortoir d'en bas... finit par nous abriter, nous. On nous appelle des esclaves, maintenant. J'ai pas vraiment compris. Enfin, c'est venu petit à petit, comme ça, et puis... on a commencé à lire tout le monde, maintenant, on parle de... sommes un autre groupe, on vit en bas, cloîtré, dans une cabane... qui prend l'eau avec de la boue. Voilà, écoute, je sais pas quoi. On a commencé à venir nous chercher tout le matin. On s'est mis à travailler tout seul sur certains projets en particulier. Tout ce qui relevait de la manutention, tout ça, bon, c'est notre domaine. On vient nous réveiller aux aurores pour genre de choses, mais. Je comprends pas comment on en est arrivé là, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ça, vous devez être au courant quand même, ça date d'avant, enfin, ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est pas non plus. Ça, vous le savez. Que. Notre situation, à nous, ce d'en bas, enfin, du quartier des Fangeux, quoi. Tu vois que, enfin, en tout cas, dans ton discours, plus tu continuais, plus c'est devenu livide, hein, blanc. Et. Tu vois, bon, je ne vous ai pas quitté dans vos meilleurs des instants, mais. Avant que je tombe. malade, la situation n'était pas. Comme ça, jamais les deux quartiers étaient séparés. Certes, le quartier du bas a toujours été bon accueillant par sa présence à côté de l'eau, mais nous avons fait en sorte, à l'époque, d'y mettre les mutants en phase avec l'eau, tout simplement. comme toi, amphibien, tu ne crains pas l'eau et on s'est dit que c'était moins risqué pour vous. Mais il n'y avait pas de séparation entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, comme tu dis. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas... Je ne peux pas me lever de ce lit. Et ce que tu m'apprends aujourd'hui... m'horripile, je... Enfin, y a pas que ça. Enfin, vous êtes au moins au courant que... Maintenant, c'est comme si l'arche était divisée en bandes avec leur grand chef, Cade, qui s'appelle, et puis justement, c'est eux là, le collectionneur, et donc Maxime aussi qui prend de plus en plus d'influence et qui remplace Astrid. Je sais pas si vous vous d'elle, c'était la plus jeune et elle a disparu, et puis tout le monde meurt, on s'entretue, des meurtres, c'est incroyable. C'est. De même, je sais pas comment... Il y a le parrain... Dawid, je sais pas si vous venez de lui, il a des visions... dit nous avoir vu, je sais plus quoi... construit un temple... on est en train de... Enfin, mais comment vous pouvez pas être au courant de tout ça? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était arrivé il y a deux semaines, ça fait longtemps, quoi. Enfin, vous le savez. Et puis, je pense que tu sais que ça fait longtemps que... Et pourquoi vous nous avez interdit de sortir la dernière fois? Enfin, c'est vraiment vous qui avez dit ça? C'est vraiment vous qui avez fait ça? Je n'ai jamais interdit la sortie. Enfin, depuis que vous êtes jeune, je vous interdisais, mais ces derniers temps, j'ai bien compris que c'était à vous de diriger l'arche et je n'ai plus cette position de pouvoir pour vous empêcher quoi que ce soit. Maxime l'a dit. Enfin, il a tout inventé. Enfin, vous pouvez pas me dire ça. Enfin, il avait l'air au moins. Enfin, je crois que je vais avoir besoin du temps de réflexion et ce que tu m'annonces ne me réjouit guère. Je craignais fortement, en vue des nouvelles récentes, qu'on joue de ma position. Mais je pensais pas à ce point, et sache que... Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, c'est vous qui avez connu l'ancien monde, ça. C'était comme ça, c'est là, naturel des choses, je comprends pas, enfin, pourquoi ça nous arrive en particulier, pourquoi, enfin... Je ne l'ai que vaguement connu, je ne suis pas vrai, je n'ai connu que partiellement les temps d'avant, mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai faites avec vous, mais sache que j'en suis désolé. Je vais faire de mon mieux pour que mes derniers jours améliorent les conditions de tous dans l'arche. Mais vous comprenez pas que vous êtes en danger là. Enfin, je veux dire, si jamais il a menti, si jamais, enfin, je veux dire, vous êtes très dans vous. Vous l'êtes tout autant que moi. X. X, quand vous sortez d'ici, annoncez que demain matin, je prendrai parole sur la place publique. Et allez chercher de l'aide des chroniqueurs et dites-leur de tous réunir ici. Leur faites vraiment confiance. Je veux dire, Maxime est complètement... Je sais que je suis pas très neutre. Passé... hier soir, mais... Je sais pas. Maxime est... celui qui était le plus proche de moi, par conséquent... Il sera le seul à ne pas être convié... à ma protection cette nuit. Venez vous éclairer, pour que vous ne me disiez pas tout ça, enfin, je veux dire... Il doit s'en douter, il est pas... Et c'est pour ça que je vous demande d'appeler les chroniqueurs à venir ici. Ils sont plus d'une vingtaine. Leur protection sera largement suffisante pour ma personne. Donnez-moi un gage. Donnez-moi une preuve que je vous ai vu ce soir. Tu vois qu'il réfléchit. En bas se trouve normalement, si ils n'y ont pas touché, dans un meuble une breloque de mon temps. Et cette breloque, elle est unique, je suis le seul à posséder. C'est une valeur sentimentale qui n'a plus de sens aujourd'hui. Prends-la. C'est la seule preuve que je peux te fournir que tu as pu converser avec moi. Sois particulièrement judicieux dans le choix de tes mots, de ne leur faire pas croire que tu as pris ça contre mon gré. Très bien. Mais... qu'est-ce que vous allez dire, enfin, quel est votre plan, enfin. Je vais confronter mes erreurs et confronter Maxime à ce qu'il a fait. Je ne sais pas encore quel est mon plan. Je compte réfléchir cette nuit en présence des chroniqueurs. Mais vérité doit être résolue et je dois voir de mes propres yeux, même si ça doit être ma dernière action, ce qu'il est advenu de vous. Vous avez dit en bas? Oui. Sur le meuble qui se trouve simplement au fond de la pièce. Et il faut que je me repose un peu avant l'arrivée des chroniqueurs. Va, X, fais ce que je t'ai dit et nous verrons bien de quoi demain sera fait. Et à ces mots, il se rallonge. Attendez. Fatigué. Tu peux lui parler, il est toujours là, mais... ne me quittez pas tout de suite. Savez-vous, c'est lire et écrire. À qui avez-vous enseigné ça dans... Enfin, je sais que vous pouvez pas vous rappeler de nous tous 300, mais vous avez bien dû passer un temps spécialement avec eux. Au contraire, je me souviens de chacun de vous et je sais qui j'ai aussi à lire ou apprendre à l'écriture. Je ne te pourrais pas te dire tout le monde là tout de suite, parce que ça prend du temps, mais je peux te donner l'information la prochaine fois que nous croisons. Merci beaucoup. Merci à toi. Et tu sens qu'il commence à vraiment pas être bien au bout de ses forces. Du coup, tu vas pouvoir descendre, récupérer l'objet indiqué et effectuer comme il a demandé simplement les deux tâches. Celle d'annoncer que le lendemain matin, il parlera publiquement et demander à tous les chroniqueurs de venir protéger sa maison et le soutenir d'ici là. Pour nous, c'est donc la fin de ce début de soirée et surtout la fin de la session. Je vais demander du coup au souilleur de faire son fameux jet d'un des 6 plus un des 4 et me donner le plus grand. 5. Très bien. Du coup, durant cette session, 4 personnes sont mortes.